Héraclès est tombé dans du jus de citron. Le jus de citron, il est tombé sur Néron. Néron a soulevé sa toche par les canards. Les canards, ils sont découpés, ils en guillent. Car le cas, il a expulsé son joufleur sur le devant bourré de fleurs. Qui pour fort et mes cœurs, voilà mon cœur, un poème.